Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric de la chaîne YouTube Jeux de rôle pour les nuls et je réponds à la question du Frankencast numéro 9. C'est pas véritablement une question, c'est plus un sujet, un thème plus large qui est penser le monde à travers le JDR et qui nous a été gracieusement fourni par Angel Dust JDR. C'est très vague, penser le monde. Ça semble assez nébuleux, c'est pas quelque chose que l'on va pouvoir définir simplement. Qu'est-ce que penser le monde ? Pour ma part, penser le monde, c'est réfléchir au monde dans lequel on vit, réfléchir à comment il fonctionne, réfléchir à ce qui s'y passe, à comment l'améliorer, comment le changer, ou comment tout simplement y trouver sa place. Le jeu de rôle est un loisir formidable, peut-être même le meilleur loisir du monde, et il est très intéressant en tant que loisir et encore plus en tant que média pour penser le monde. Pourquoi ? Parce que, par définition, il est plusieurs choses, le jeu de rôle. Premièrement, c'est un jeu où on va incarner un personnage. On va jouer un rôle. Littéralement, role-playing game en anglais, c'est ce que ça veut dire. Game pour jeu et role-playing pour jouer un rôle. Donc c'est un jeu de jouage de rôle. Pour faire une traduction complètement à la lettre. Et du coup, on va s'amuser à incarner un personnage, à jouer ce rôle de quelqu'un qui... Et nous, sans être nous, en fait. Parce que même si on met beaucoup de choses de nous dans ce personnage, c'est quelqu'un d'autre, avec d'autres traits de personnalité, d'autres manières de fonctionner, une logique interne probablement différente, une personnalité aussi différente, même si parfois, même si toujours, j'ai envie de dire, on met toujours un peu de nous dans le personnage, on va parfois essayer de s'en éloigner. Et en se mettant à la place de cet autre qui est nous sans être nous, qui est le personnage, ça va être une bonne occasion pour penser le monde différemment. Ça, c'est la première chose qui fait que je trouve le jeu de rôle un très bon loisir pour penser le monde. La deuxième raison, c'est que notre personnage va évoluer dans un monde fictif, dans un cadre jeu qui n'existe pas réellement. Tout se passe dans notre imagination. Le jeu de rôle, c'est surtout une discussion où avec le MJ ou quand il n'y a pas de MJ, avec les autres joueurs et joueuses autour de la table, on va discuter et c'est la discussion qui va produire la fiction, qui va produire cette réalité dans laquelle on va évoluer. Et du coup, le jeu de rôle, c'est le terrain d'expérimentation par excellence. On peut tout découvrir, tout expérimenter, tout tester, essayer des choses qu'on ne ferait jamais dans la vie réelle. On va pouvoir le faire dans du jeu de rôle. On va pouvoir le faire découvrir, partager ses valeurs, transmettre d'autres valeurs, découvrir d'autres valeurs. Bref, le jeu de rôle est, à mon avis, un loisir idéal pour penser le monde autrement, pour penser le monde dans sa globalité. On peut, parfois... via des scénarios particuliers, via des manières de jouer, poser des problématiques qui se passent dans le monde réel, que ce soit la pollution, la corruption, que ce soit l'horreur, les guerres. On peut très bien prendre des questions du monde actuel et les transmettre dans un monde fictif en partie de jeu de rôle. C'est très intéressant parce que ça nous permet d'expérimenter dans un monde fictif, donc c'est pas tout à fait notre monde, donc les problématiques vont être moins dures, moins présentes. Et en plus de ça, comme ce n'est qu'un jeu, c'est aussi un endroit plus sécurisé pour expérimenter et penser le monde. Je prends par exemple un jeu qui est sorti récemment, en tout cas pour la version française, qui s'appelle Spires, le soulèvement, où on joue des drows qui sont opprimés par des eaux elfes qui occupent leur cité. Ça permet de penser le monde, de penser qu'est-ce que c'est d'être opprimé, qu'est-ce que c'est d'être de la résistance, que peut-on sacrifier pour arriver à nos fins lorsqu'on combat pour une cause juste. Et ça peut faire écho à des choses qui se sont passées dans notre véritable monde, à des époques plus lointaines, avec la Seconde Guerre mondiale, tout ça, la résistance. Bref, je pense que, en tant qu'outil, pour ça, le jeu de rôle, il est efficace. Parce que c'est un terrain d'expérimentation, parce que le monde est fictif et du coup sécuritaire, parce que on a plein de moyens de penser le monde. On a notre personnage, notre avatar, qui va être force de proposition, qui va nous permettre de tester d'autres personnalités, tout ça. Et en plus de ça, même s'il existe des jeux de rôle en solitaire, le jeu de rôle est, la plupart du temps, une activité sociale. Et quoi de mieux pour penser le monde que de discuter, partager, échanger. Et lorsqu'on fait du jeu de rôle, bien sûr, on va jouer notre personnage, mais on va aussi interagir avec les personnages des autres. Et avec le meneur de jeu ou la meneuse de jeu, on va tout le temps être dans une discussion et des échanges. Et c'est ça aussi, je pense, qui va nous permettre d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et de penser le monde dans sa globalité ou de penser le monde autrement. Pour terminer, je voudrais parler un petit peu de ma vie personnelle, mais j'ai été très longtemps un grand timide. Pas à l'aise dans la société, pas à l'aise pour discuter, pour me faire des amis. Et découvrir le jeu de rôle m'a obligé à penser le monde autrement, comme le jeu est une discussion. J'étais obligé de discuter pour faire interagir mon personnage. Puis quand je suis devenu MJ, j'étais obligé de discuter pour faire jouer les autres personnages. Et je pense que le loisir en ça est formidable, qui m'a permis de vaincre ma timidité d'une part. D'autre part, il permet véritablement de pouvoir penser le monde à travers lui. Et je voulais conclure là-dessus, mais juste rajouter, pour terminer vraiment, que c'est pas une finalité en soi. Oui, le loisir du jeu de rôle, oui, le média jeu de rôle est idéal pour penser le monde, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie de penser le monde à travers le jeu de rôle, ne pensez pas le monde à travers le jeu de rôle. Si vous voulez juste rigoler avec vos copains, rigolez avec vos copains. Si vous voulez juste vous défouler, comme moi je le fais lorsque je fais jouer ou que je joue à Run, Die, Repeat, eh bien faites-le. Il n'y a pas de mal à ne pas penser le monde. Penser le monde, c'est une démarche qu'on peut avoir envie de faire. On peut avoir envie de réfléchir sur des problématiques plus ou moins dures, d'avoir envie de réfléchir comment le monde fictif ou réel fonctionne et d'en faire partie, mais ce n'est pas obligatoire. Donc oui, le jeu de rôle est un bon média pour penser le monde à travers lui. Non, ce n'est pas obligatoire ni de penser le monde, ni de le faire à travers le JDR. Le JDR peut aussi être un très bon divertissement pur et net. Et sur ce, je m'arrête là. De toute façon, c'est bientôt l'heure de rendre les Frankencast.